trash.com. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition de CNX, émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant deux semaines, on parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mais cette semaine, c'est complètement spécial. On s'offre une émission entièrement au chiptune. C'est de la musique créée à partir de jeux vidéo ou de la musique inspirée par les jeux vidéo qui viennent directement de ces mêmes jeux-là. On va d'ailleurs commencer avec une pièce qui vient d'un LP qui s'appelle Video Game Sounding Music, donc de la musique qui sonne comme les jeux vidéo. L'artiste s'appelle Oxvilou et voici tout de suite Cinder Dust. C'est fou, 89 FM, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. La musique de Null Sleep, No Carrier et Enzo. Tellement bon. Ces trois ont fait de la musique à partir d'une console NES originale, donc la Nintendo qu'on connaît tous. Et vous pouvez même télécharger le jeu, parce que c'est du vidéo, c'est du son, tout ça ensemble dans une espèce de tout. C'est disponible sur le lien que j'ai mis sur assemblagerocky.com. Donc, vous pouvez faire fonctionner ça dans un émulateur. Et c'était créé pour le LCP 2009 Demo Party en Suède. Ça s'appelle Shaping Reality. Vous pouvez voir les photos, les images, la vidéo de cette chanson-là. En passant par le site de l'émission au www.assemblagerocky.com. Avant ça, dans notre bloc chiptune, notre spécial chiptune même à CNX, on a commencé par deux pièces de Oxvilou. On a entendu pour commencer le morceau Cinder Dust et puis il y a eu The Show Always Ends. Ça vient du LP qui s'appelle Music That Sounds Like Video Game ou Video Gaming Sounding Like Music, quelque chose de genre. C'est fait pour avoir l'air de jeux vidéo des années 80. Vous pouvez télécharger plusieurs pièces sur le site web qui est assemblagerocky.com encore une fois. Il aimait tellement les jeux vidéo, Chris, qui a branché sa console de jeu à un système de son dans le temps. Et puis, il aimait tellement ça qu'il a acheté une carte son Soundblaster pour son PC. Il a commencé à faire de la musique de jeux vidéo ou qui sonne comme des jeux vidéo. C'est Oxvilou, O-X-V-Y-L-U. Video Game Sounding Music, c'est l'expression que je cherchais. On va y aller avec un deuxième bloc de chiptune dans cette émission spéciale sur la musique qui sonne comme des jeux vidéo. On va y aller avec Fear of Dark et la pièce s'appelle Spectronosis. Ça se passe maintenant à Cifou 89.fm, mais ça, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. We'll be right back. c'est varié comme bloc. On vient d'entendre Versus Mask Takeshi's Challenge, qui est une version refaite de Versus Mask DDD, qui vient de la trame sonore de Kirby Superstar Ultra. C'est fait avec des sons du jeu Takeshi's Challenge sur Famicom. C'est la version japonaise de la NES. Et ça vient du site Tiny Cartridge. Courte pièce, très très stressante, mais en même temps, ça change du reste du bloc. Avant ça, il y a eu Holiday With Me A Fay par OA. Ça a été posté sur le site OC Remix, un de mes sites de remix de jeux vidéo préférés. Pop, un peu. C'est une version pop de Turnabout Sisters, qui est une des chansons les plus appréciées du jeu Phoenix Wright Ace Attorney. Et on a débuté avec une pièce qui s'appelait Spectronosis par Fear of Dark, pièce chiptune composée par un artiste de 15 ans. C'est vrai, il a 15 ans. Ça faisait un petit peu Sonic comme chanson. Et c'était très bon. Allez voir les liens vers les biographies de chacun de ces artistes-là pour en savoir plus sur eux et pour télécharger d'autres pièces ou en entendre d'autres des mêmes artistes. C'est le site de CNX, l'émission la plus geek de la radio. Ça se trouve au www.assemblagerequis.com. On continue avec un autre bon bloc de chiptune parce que c'est le spécial chiptune de CNX. On se passe que de la musique de jeux vidéo, de la musique inspirée par des jeux vidéo ou de la musique créée à partir de jeux vidéo. J'utilise seulement le nom chiptune pour englober tout ça, même si le chiptune, c'est quelque chose de bien précis. Allez voir sur Wikipédia pour en apprendre plus sur ce terme. Hein? Pourquoi pas? La prochaine pièce qu'on s'en va entendre est de l'artiste Koolor et ça s'appelle So Kawaii Space Puppy Sega Master System. C'était pour la compétition Winter Chip 4, une petite pièce courte et très très loopy, qui dit. Hein? Loopy, c'est ça, répétitif un peu. Vous êtes à CNX, l'émission la plus geek de la radio au 89.fm, c'est fou. We'll be right back. j'ai compris, oui. Un petit peu de lagging hein, sur l'Internet. Mais bon, bref, ce qu'on écoutait, c'était Non Sleep Dirty Rum Dance Mix par Stig Rattlin. C'est posté sur Four Color Rebellion. Allez voir le lien sur assemblagerequis.com. Du chiptune, c'est génial. Et là, je vais en profiter pendant que ça charge le reste du vidéo. Hein, pourquoi pas. Pour lire un commentaire sur Four Color Rebellion que je trouvais intéressant. Ça dit, vous savez pourquoi le chiptune, c'est génial? Pour la même raison que les vieilles pièces de techno et d'électronica sont géniales, c'est parce qu'il y a une limite à la technologie. Il faut essayer de la pousser autrement qu'en changeant de technologie. Il faut rester dans les barèmes de cette technologie-là. Par exemple, il donne l'exemple de Pocket Calculator par Kraftwerk, mais fait avec un clavier jouet des Bee Gees. C'est génial. Mais Pocket Calculator par quelqu'un d'autre avec la technologie qu'on a aujourd'hui. C'est bof. Hein? On va écouter le reste de la pièce et puis après ça, on revient pour un autre bloc de chiptune à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Sleep Dirty Rum Dance Mix de Stig Rattlin. Allez voir assemblagerequis.com pour le lien. Je sais que j'ai gâché un petit peu la chose en l'arrêtant en plein milieu, mais que voulez-vous? C'était même pas la vidéo qui était pas chargée, c'est juste les vidéos sur Vimeo qui jouent mal sur l'ordinateur. Mais bon, c'est pas grave, on aime ça quand même, c'était très bon. Avant ça, on a entendu Peace in the Harbor par Neil Baldwin. Ça vient d'un jeu qui ressemble un peu à Zelda, c'était pour la NES, et ça s'appelait Eric the Viking, basé sur un film et un livre pour enfants de Terry Jones. Et ça vient de tinycartridge.com. C'est eux qui postent bien des chansons chiptune que j'aime écouter comme ça dans mes temps libres. C'est génial. C'est la fin de la première demi-heure de l'émission. On va en avoir trois autres. Hein. On dure trois heures encore pour un petit bout à cette émission spéciale chiptune de CNX. Restez avec nous au retour de la musique avec un petit peu de voix et de la musique qui ressemble aux années 80. Bonjour, c'est toujours à CNX, émission la plus geek de la radio, et cette semaine c'est spécial chiptune, donc on écoute que de la musique qui a rapport avec les jeux vidéo, qu'elle soit créée à partir de consoles de jeux, qu'elle soit inspirée par les jeux vidéo ou qu'elle vienne directement d'un jeu vidéo quelconque. C'est ce qu'on diffuse cette semaine à CNX. Allez voir assemblagerequis.com, cliquez sur le spécial chiptune pour avoir tous les liens vers tous les artistes, téléchargez d'autres pièces sur eux, lisez leur biographie, voyez des vidéos sur YouTube avec les pièces dedans. C'est super génial, c'est www.assemblagerequis.com. La prochaine pièce qu'on s'en va entendre est par l'artiste Lini et le morceau s'appelle Awake. Un autre exemple de chiptune avec de la voix. Ça fait très différent et celle-là en particulier fait assez années 80. I'm flames Kachalka, ooh yeah, like a tornado. I go where I wanna go. I can do anything I want, 'cause my name is James Kachalka. He's so awesome. Yeah, I know. That is how the story goes. All the people jump and say, how Kachalka get that way? Ooh yeah, like a miniature. Hein, c'est étrange, hein? C'est James Kachalka, Superstar Robot Shark. Ça vient de, ben, en fait, c'est sur son site American Elf, qu'on trouve americanelf.com. C'est son dernier album qui s'appelle Superstar, son dernier album Superstar qui s'appelle Digital Elf. Voilà. Les 15 chansons ont été composées et performées sur son Game Boy Advance dans le logiciel NanoLoop. Vous pouvez entendre d'autres extraits en allant sur assemblagerequis.com. Avant ça, on a entendu Awake par Lini, un exemple de chiptune avec de la voix. Mais c'était quand même bon, années 80. Mm-hmm. Là aussi, vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com pour entendre d'autres pièces directement de son site. On va, ben en fait, la raison que je coupe ici, c'est parce qu'on va jouer plusieurs pièces du prochain artiste. Très, très bon, Minus Baby. Si vous n'avez pas encore entendu ça, j'en fais jouer des fois à CNX et c'est vraiment le fun. Ça vient de sa compilation qui date de cette année, 2009, self-released. Ok, Naa. Thème Huizo 2003-2006. Les pièces sont assez courtes là-dessus, donc j'en ai mis, je pense que je vais mettre les 6 premières, tiens, pour un petit total de 6 minutes 30. Peut-être quelques silences entre chaque pièce, mais peu importe. Voici 30 Seconds with October 15, 2003's Migraine. C'est le nom de la pièce de Minus Baby. Vous êtes à CNX, émission à Puggy de la radio, et cette semaine, c'est spécial Chiptune. venez d'entendre 6 extraits de l'album Ok Now Tem Huizo 2003-2006. Tu le sens en français, je pense que ça va être plus facile pour moi. Donc, les 6 premiers extraits de cet album-là qui est sorti cette année, en 2009. Minusbaby.com, c'est le site web, il faut aller voir pour en entendre plus et télécharger l'album au complet. On a entendu dans l'ordre 30 Seconds with October 15, 2003's Migraine, Depois de un Galao no Miramar, El Paseo de la Hormiga, April 25th, 2006, Mushroom Giggles et Sortijas Negras. C'est la pratique que ça. Voilà, c'était un super bon bloc ça, de Chiptune dans ce spécial Chiptune de CNX, émission la plus geek de la radio. Allez voir www.assemblagerequis.com pour tous les liens de l'émission d'aujourd'hui. Vous pouvez vraiment télécharger la plupart de ces pièces-là. En fait, je pense pas mal toutes à date. Hein. Sinon, c'est un mélange de YouTube et de MP3 différents sur le site comme ça, disponible en streaming. C'était merveilleux. On continue avec un autre très bon bloc que je suis très heureux de passer parce que j'aime la musique de Mario. On va se faire un beau petit bloc Mario, 100% Mario. On va commencer ça avec un extrait d'une trame sonore par Ambassadors of Funk featuring MC Mario. Mm-hmm. C'est Super Mario Land. Et là, il y a 4 versions de la pièce. La version radio, moyennement. Clubhouse Mix, instrumental, super bonne, mais j'ai choisi Daisy's Breakdown. On va essayer de s'entendre ça à l'instant. C'est à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Oh oui, au 89.1 FM. C'est fou ça. Vive l'Internet, hein, et le streaming. Merveilleux. Thank you. C'était simplement hallucinant. C'était génial. Ah, c'est vraiment une de mes pièces de chiptune préférées, en tout cas depuis un long moment. Quand j'ai entendu, je savais qu'il fallait que je la fasse jouer dans le spécial chiptune de CNX. C'était Playing Super Mario World While Taking Mushrooms, the Hallucinogenic Kind. Si vous comprenez pas trop, c'est jouer Super Mario World en se faisant des champignons hallucinogènes. C'est génial. Et en plus, non seulement c'est génial et c'est super bien fait, mais ça a été fait dans le cadre d'un concours où ils devaient jouer la musique live, donc en direct, faire les arrangements en direct. Donc, c'est pas précis comme d'autres pièces de chiptune qu'on a déjà entendues, mais quand même, ça ajoute au plaisir, on pourrait dire. Allez voir assemblagerequis.com pour le lien de cette chanson-là qui est par Schnabubula. Et les commentaires sont vraiment très positifs. Et je pense que je vais devoir aller entendre d'autres pièces de Schnabubula. Ça vient du site 8bitcollective.com. Mais c'est la fin de la première heure. On se retrouve pour une deuxième heure de chiptune et d'autres musiques de jeux vidéo, dont Punch-Out et Super Mario 3 à la guitare. Restez là. Bon, vous êtes toujours à CNX, c'est la deuxième heure de ce spécial Chiptune où on écoute, hein, il y a beaucoup de haine. Beaucoup de musique de jeux vidéo cette semaine, de la musique inspirée par les jeux vidéo, créée à partir de consoles de jeux vidéo ou de chips de jeux vidéo, ou de la musique qui vient directement de jeux. Ça arrive, c'est ce qu'on fait. Tantôt, on a fait un bloc Mario. On a entendu plusieurs pièces, dont une de Mario Kart, Mario World, un mélange de tout plein de choses. Je vous rappelle d'aller voir l'assemblagerequis.com pour les liens. Mais là, on continue un petit peu ça. Mais celui-là, je l'ai placé différemment parce que c'est un mélange entre la musique de Mario Bros. 3 et la musique de Punch-Out, jouée à la guitare. Disons que c'est assez différent comme style de musique. Et on va aller entendre ça dans quelques secondes. Vous allez voir, c'est pas mal bon. Vous êtes à CNX, l'émission la plus geek de la radio. la musique de Mario Bros 3. Oui, à la guitare. Mélangé avec du Punch-Out, apparemment, mais je connais moyen la musique de Punch-Out, donc je ne peux pas dire quel moment était du Punch-Out. J'avoue mon ignorance là-dessus. C'était super, ça. J'adore ça. Allez voir assemblagerequis.com pour en savoir plus et pour écouter la vidéo au grand complet. Vous êtes dans le spécial Chiptune, ou musique de jeux vidéo, ou inspirée par les jeux vidéo, ou qui viennent directement de jeux vidéo. C'est à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Le prochain bloc est un de mes préférés, hein, à part la musique de Mario tantôt, qui était probablement mon préféré au sommet. Celui-là est avec l'information Anna Managuchi. J'en ai déjà fait jouer ici à CNX et j'ai toujours absolument adoré ça. Je trouve ça génial. Et puis, ils ont un nouveau maxi qui s'appelle Dawn Metropolis et ils ont un embed qu'on appelle, ou un petit truc qu'on peut mettre sur n'importe quelle page web en mettant l'adresse dedans. Et ça donne l'occasion d'écouter l'album au complet. Ouais, le maxi au complet. Il y a quoi? 7 pièces? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous pouvez cliquer sur les noms. Il y a des beaux petits dessins puis des genres de vidéos qui bougent en même temps que les pièces. Donc, on va entendre les trois premières de leur maxi. On commence avec Blackout City à CNX au 89.1 FM. C'est fou. C'est fou. Ça sonne bête, mais quand même. Ah, c'est le fun. J'aime. OK, bon, ben, je pense que ça va pour ça. Je vais laisser aller quand même. Mais bon, c'est très, très bon. C'est du Anna Managuchi. Vous pouvez acheter l'album en allant sur assemblagerequis.com. Cliquez sur le lien d'Anna Managuchi. Et dans la petite vidéo, qui est très jolie en passant, il y a un lien qui dit « Buy the album ». Et c'est dommage que ce soit un stream. Parce que j'aime tellement ça, du Anna Managuchi. Mais je vais pas faire jouer une deuxième pièce, juste pour que ça arrive une autre fois. L'article venait de offworld.com et ça nous parle de leur nouveau maxi qui s'appelle Dawn Metropolis. C'est très, très excellent. Allez voir ça. C'est génial. Aussi sur le site assemblagerequis.com, depuis ce matin, j'ai posté plein de liens que je vais peut-être pas avoir le temps de passer aujourd'hui. Donc, allez voir ça. Il y a aussi des covers de différents groupes pour faire jouer d'ici la fin de l'émission. Des versions spectacle de pièces comme Zelda. Hein? C'est toujours super bon. Voilà. Ça, c'était Anna Managuchi. Et puis, c'est super bon. Super bon. Ce qu'on va entendre maintenant, c'est un maxi complètement gratuit qui vient d'un groupe de Dallas qui fait ce qu'on appelle du hardware shoegaze, ce qu'on appelle maintenant le chipgaze, dans le fond, si on combine les deux ensemble. C'est la formation Three Wave. Ils ont un maxi qui s'appelle 10 Inch et qui est complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger sur leur site web. Je vous donne l'adresse à l'instant. C'est treewave.com/10inch. On va y aller avec quelques pièces de cet album-là. On va commencer par une. Là. Voici One Word B de Three Wave tout de suite à CNX. C'est l'émission la plus geek de la radio et c'est spécial Chiptune. We'll be right back. Est-ce qu'il y a une pièce cachée à la fin? On ne saura jamais. C'était Three Wave avec Time 29 à CNX, l'émission la plus geek de la radio. Un spécial chiptune cette semaine. J'aime vraiment beaucoup ça. Ce qu'on vient d'entendre en passant, si vous voulez le télécharger, c'est un maxi au complet, comme ça, en téléchargement gratuit sur Internet. C'est génial. Le site web est threewave.com/10inch. C'est le nom 10inch de l'album. Et Three Wave est le nom de la formation de Dallas qui fait du hardware shoegaze, ce qu'on appelle de nos jours le chip gaze. Ça ressemble pas vraiment à leur précédent maxi qui s'appelait Cabana EP. C'était beaucoup plus des sons Atari 2600, Synthcart. Allez voir l'article pour vous renseigner là-dessus. Ça change un petit peu leur style à Three Wave. On a fait jouer 4 pièces de ça parce que c'était vraiment très très bon. On a entendu dans l'ordre les pièces One Word B, Real Audio 9, Plenty C et Time 29. Tout ça de Three Wave. C'est la fin d'une autre demi-heure de CNX, l'émission la plus geek de la radio. Il nous en reste une dernière, et dans cette dernière demi-heure-là, mais qu'est-ce que je vous réserve? Plein de surprises, évidemment. On va entendre un petit peu de YMCK et quelques covers d'artistes que vous connaissez probablement, dont une pièce de Weezer par Anna Managuchi qu'on a entendu un petit peu plus tôt dans l'émission. Donc c'est à CNX, restez avec nous. C'est la dernière demi-heure de CNX, émission la plus geek de la radio. Je m'appelle Mathieu Plante et dans cette dernière demi-heure de notre spécial Chiptune, on va entendre plein de bonne musique de jeux vidéo, de musique inspirée par des jeux vidéo ou de musique qui provient directement de jeux vidéo. Alors, on va commencer avec une formation qui est très appréciée dans le domaine du Chiptune, une des plus populaires, c'est YMCK, oui. Puis ils ont une page sur le site ilike.com, c'est au ilike.com/artist/YMCK. Et là-dessus, on apprend que leur chanson la plus écoutée sur ce site-là, elle s'appelle Magical 8-Bit Tour. Donc la voici à C'est Fou 89 FM. La chanson la plus écoutée de la formation YMCK sur le site ilike.com, c'était Magical 8-Bit Tour. YMCK qui est un groupe de chiptune japonais avec les membres Midori à la voix, Yukimura à la musique, les paroles et les arrangements, et Nakamura au vidéoclip, parce qu'ils ont des vidéoclips vraiment impressionnants. Celui-là, d'ailleurs, jouait, moi, à l'écran pendant que vous l'écoutiez. C'était sur YouTube. La formation YMCK, et ils n'ont pas seulement travaillé au Japon, ils ont aussi sorti des albums partout ailleurs, à plusieurs endroits, Corée, Thaïlande, États-Unis, et ils sont apparus à plusieurs événements en Asie de l'Est et en Europe. C'est ce que dit leur page sur Wikipédia, et c'est dit aussi qu'ils sont actifs depuis 2003. Mm-hmm. Donc ça, c'était la formation YMCK. Le prochain qu'on s'en va entendre, c'est un album gratuit de chiptune par Jack Manhorn. Music for Games, c'est le nom. Et puis vous vous souvenez peut-être de lui, Jack Manhorn, parce qu'il a participé au concours Mirror's Edge is Still Alive en février. C'était la deuxième position. Je crois que le concours était sur le site originalsoundversion.com. C'est un musicien assez versatile, dit l'article. Et puis, il a fait un album donc, qui s'appelle Music for Games, avec 6 pièces qui varient dans leur style. Ça passe du Deep Chance, qui est plutôt dance. Et il y a aussi Stride Get, qui est un petit peu plus une mélodie, un petit peu plus joyeuse. Hein, c'est le fun. Allez voir l'image de la pochette et puis télécharger le maxi au complet, Music for Games. En fait, vous pouvez pas télécharger, vous pouvez l'écouter par contre. Et c'est ce qu'on va faire. On va l'écouter. C'est sur son site qui est au www.jackmanhorn.com dans la section Music. Cliquez sur chacune des pièces pour les entendre. On commence avec Ambient. Non, c'est de la musique ambiante. Oui, c'est ça. Voici Corridors Whip. CNX, l'émission la plus geek de la radio spéciale Chiptune au 89.fm. C'est fou. La pièce Ambient Corridors Whip dans le spécial Chiptune de CNX. Ça, c'était par Jack Manhorn. Très bonne musique. Allez voir jackmanhorn.com, M-E-N-H-O-R-N.com, ou passez par le site de l'émission ou assemblagerequis.com pour entendre d'autres extraits de son album. J'essaie de trouver l'autre pièce. Le lecteur n'a pas l'air de vouloir marcher, mais c'est pas grave. comprends. À la place de continuer avec Jack Manhorn, on va changer de style un peu parce qu'il me reste encore quelques affaires que j'ai vraiment envie d'intégrer dans ce spécial chiptune. Tout de suite, on va écouter une pièce de Cro-Melodeon, d'accord, qui est un groupe de chiptune, un méga groupe qui vient de Philadelphia. Qu'est-ce que ça dit là-dedans? Que c'est Polygon Sun Also Rises ou quelque chose du genre, le nom de la pièce. Donc, on s'en va entendre ça tout de suite. C'est une collaboration avec l'artiste Johnny New Jedi Order Rogers. C'est pour le vidéoclip Polygon Sun. C'est ça le nom de la pièce, Polygon Sun. Et c'est très, très chiptune. Ça, vraiment, c'est le summum du chiptune. Vous êtes à CNX pour encore une quinzaine de minutes au 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. C'est Polygon Sun par la formation de chiptune philadelphienne, disons, Cro-Melodeon. Il y a une vidéo par l'artiste Johnny New Jedi Order Rogers à trouver sur l'assemblagerequis.com. Vidéo qui pourrait peut-être provoquer une crise d'épilepsie chez bien des gens parce que ça bouge beaucoup. Beaucoup. C'est super le fun d'écouter de la musique chiptune comme ça. J'aime vraiment beaucoup ça. Mais là, je pense qu'on devrait changer un petit peu de domaine dans le chiptune lui-même et aller entendre quelques covers. C'est ce que je vous gardais pour la fin parce que je me disais ça pourrait peut-être vous intéresser. Hein? C'est vraiment très, très bon. On va entendre plusieurs artistes que vous connaissez fort certainement. Il va y avoir, je crois que ça devrait rentrer dans le temps, on devrait entendre tantôt du Black Sabbath, version chiptune. Il va aussi y avoir une pièce très, très drôle, très commerciale, de Salt and Papa en cover. Donc, ça compte pour nous autres, assez fou, c'est correct ça. On va commencer par une pièce d'un groupe que je vous ai fait entendre tantôt un peu. Les pièces n'avaient pas l'air de toutes vouloir se charger correctement. Hein? Donc, j'ai dû arrêter d'en passer, mais j'adore la formation, donc j'ai trouvé quelque chose d'un petit peu mieux. Hein? C'est à la Malaguchi qu'on va entendre pour commencer ce bloc-là. Et suivra une autre pièce, comme je disais, de Salt and Pepper et puis de Black Sabbath qu'on va entendre tantôt. Mais pour l'instant, voici à la Malaguchi et je vais juste vous dire le nom et vous allez devoir deviner ça vient de qui. Voici Holiday! Assez fou! Holiday par Anna Managuchi. Holiday est une pièce de Weezer. Ça vient de la compilation Weezer The 8-Bit Album. Allez voir sur assemblagerequis.com. Je vous ai mis le lien. Et là, comme petit cadeau, vu que vous avez été fin, vous avez écouté ce chiptune-là. Il y en a peut-être qui aiment moins ça du chiptune, puis peut-être qu'ils ont changé de poste, mais peut-être qu'ils sont venus après. Peu importe, voici un cadeau. Une autre pièce de Weezer. Cette fois-ci, Island in the Sun, un petit peu plus connue. Donc la voici, celle-là est par Video Game Orchestra. Vous êtes à CNX. C'est l'émission la plus geek de la radio. Push It par ABN, cover de Salt and Papa. Très style Sega Master System, Genesis, très été, très commercial en même temps. Avant ça, on a entendu une pièce de Pterodactyl Squad, qui est une étiquette de musique de jeux vidéo. C'est ptesquad.com pour aller chercher l'album au complet, Weezer, The 8-Bit Album. C'est plein de pièces de Weezer, dont Buddy Holly, dont Island in the Sun et Holiday qu'on a écouté, fait par différents artistes de chiptune. C'est super bon. C'est sur assemblagerequis.com, comme toujours, pour le lien. Ah, quelle bonne émission de chiptune, de musique de jeux vidéo. On va se quitter avec la fin de, premièrement, la pièce de Salt and Pepper, mais après ça, celle de Black Sabbath, je vais la passer. Ça va bien terminer l'émission comme ça. Nous, congé la semaine prochaine pour CNX, émission impliquée de la radio, mais on va être de retour la semaine du 31 août. Avec la nouvelle formule cnx.zip, soyez là pour ça, c'est le 31 août, tenez-vous au courant sur assemblagerequis.com, allez voir tous les liens là-dessus, téléchargez de la musique en masse, c'est gratuit, c'est du MP3, les artistes sont tellement généreux, il y a des vidéoclips aussi à aller voir, donc c'est www.assemblagerequis.com, passez une très belle semaine et on se retrouve dans deux semaines, bye bye!